Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce lundi. Voici les grands titres. La loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2022-2023 montre que plus de 300 milliards de francs burundais sont comptabilisés en recettes contre près de 295 milliards de prévisions de dépenses. Et le porte-parole du président du Burundi met en garde les Burundais qui vendent leurs maisons et parcelles aux étrangers du fait que le code foncier au Burundi est muet à ce sujet. La chronique sport de ce lundi parle du championnat intercommunal. Et voilà pour les titres. À la cabine technique, vous êtes avec Albert Ndouaï, au micro Sévestine Boutoy. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le code foncier au Burundi est muet par rapport à l'achat des propriétés foncières aux étrangers, d'où la nécessité de sa modification par le gouvernement burundais. Précision du porte-parole du chef d'État lors de l'émission publique tenue par les porte-parole des institutions publiques. C'était ce vendredi en Ngozi. Alain Diome Denzaïman, après venant les Burundais vendant leur maison aux étrangers, il révèle qu'il pourrait subir des conséquences dans l'avenir une fois la loi est modifiée. Les suivis en traduction française de Leonidas Kirombo. La question concernant les Burundais qui vendent leurs parcelles ou maisons aux étrangers reste problématique. Alors j'aimerais répondre à cette question en me basant sur la constitution burundaise où c'est écrit que le territoire du Burundi est inaliénable et indivisible, ce qui signifie qu'aucune partie ne peut appartenir ou être cédée à un étranger. Cela implique que toutes les parcelles qui sont au Burundi appartiennent aux Burundais. C'est vrai que le code des fonciers sur l'achat des parcelles ou maisons aux étrangers reste muet au Burundi et nous constatons aussi qu'il y a des Burundais qui vendent toujours leur maison ou aux étrangers, mais qu'ils sachent que tôt ou tard, cette loi sera modifiée et précise sur ça. Signalons que souvent, après la modification ou la mise en place de la loi, l'État pourrait revenir en arrière sur ces cas de vente. Alors je mets en garde ceux qui le fassent aujourd'hui qu'ils pourraient subir des conséquences dans l'avenir, que ce soit aux vendeurs ou aux acheteurs. Cette question a même été évoquée par le chef de l'État en se demandant le sort de ce pays si chacun de ces 12 millions de la population vend à un étranger. Alors, soyons vigilants sur ça. Vendre, ce n'est pas un problème, dans la mesure où ça ne répercute pas des conséquences sur le pays. Et la loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2022-2023 montre les précisions des recettes et des dépenses pour 10 administrations personnalisées à autonomie de gestion. Plus de 300 milliards de francs burundais sont comptabilisés à recettes alors que près de 295 milliards de francs burundais sont des prévisions de dépenses. Ce budget somme aussi ses entreprises à participation publique au versement des dividendes. Les détails avec Mireille Kanyang. L'article 91 de cette loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2022-2023, stipule que les sociétés à participation publique, les établissements publics à caractère industriel et ou commercial sont soumis au versement obligatoire à l'État des dividendes calculés en fonction de leurs résultats. Ce budget dit programme met ainsi en évidence le budget des administrations personnalisées à autonomie de gestion et se compte à 10. Les prévisions des recettes sont de plus de 300 milliards de francs burundais, alors que les prévisions des dépenses se comptent à près de 295 milliards de francs burundais. De l'Office national des télécommunications du Burundi, Onatel, en passant par la centrale d'achat des médicaments Kamebu, l'Office du thé du Burundi, OTB, l'Autorité de l'aviation civile, l'ONA, la Régie des eaux, Burundi Airlines, la SOSUMO, la SRDI, à la Société hôtelière et touristique du Burundi, le budget de ces administrations personnalisées à autonomie de gestion est annexé au budget général de l'État aux côtés du budget des communes et des hôpitaux. Les recettes attendues de la régie des eaux sont chiffrées à plus de 135 milliards de francs burundais, celles de la SOSUMO à plus de 58 milliards de francs burundais, de l'ETB à plus de 42 milliards de francs burundais et les recettes prévisionnelles attendues de la CAMEBU sont de plus de 38 milliards de francs burundais, alors que les recettes attendues de la Société hôtelière et touristique du Burundi sont chiffrées à plus de 710 millions de francs burundais. Ces annexes relatives au budget de ces administrations personnalisées, des hôpitaux et des communes est une nouveauté dans ce budget dit programme comptant pour l'exercice 2022-2023. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes au sur de la radio Isanganiro. Le journal continue. Les jeunes de la commune de Mabaye en province de Cibitoke n'ont déposé aucun projet pour avoir des crédits auprès de la Banque d'investissement des jeunes Bijan Sigle. Regret du représentant du Forum des jeunes en province de Cibitoke, en même temps chargé du service crédit au sein de cette banque. C'est au moment où les coopératives des jeunes qui ont déjà déposé des dossiers complets ont déjà bénéficié auprès de la banque BIJ 136 millions de francs burundais de crédit. Et le gouverneur de la province de Cibitoke, Karim Bizoza, demande aux ressortissants de la province d'appuyer ces jeunes dans l'élaboration des projets à déposer dans cette banque. Les détails avec Alexine Dairagic. Aucune coopérative des jeunes de la commune de Mabaye n'a bénéficié de crédit auprès de la Banque d'investissement des jeunes Bijan Sigle. Les coopératives des jeunes de la province de Cibitoke ayant bénéficié de 136 millions de crédits dans cette banque. Selon certains jeunes, ils ne sont pas outillés pour pouvoir élaborer des projets acceptables par cette banque. Christophe Ndagijimana, représentant du Forum des jeunes en province de Cibitoke, également chargé du service des crédits dans la banque BIJ, demande aux jeunes de se regrouper en coopérative et surtout d'élaborer des projets convenables qui ne sont pas rejetés pour avoir des crédits. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karim Bizoza, dans la rencontre avec les ressortissants de cette province de ce dimanche, a demandé à ses natifs de la province d'appuyer ces jeunes dans l'élaboration des projets. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Les équipes qui participent dans le championnat intercommunal s'affrontent d'abord au sein de quatre régions du Burundi. Cela pour avoir deux équipes qui croiseront le fer dans la finale. Laurent Zeimana, directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions, précise que les joueurs de ce championnat ne doivent pas être encore sous le banc de l'école. Les détails de cette chronique sport avec Charles Makoto. Les joueurs qui participent dans le championnat intercommunal doivent être non scolarisés ou parmi les joueurs qui jouent dans différents championnats organisés par la Fédération Burundaise de Football, FFB. Explication de Laurent Zeimana, directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Les critères sont les suivants. D'abord, il faut être natif, non scolarisé ou déscolarisé, être fonctionnaire ou administratif de la place. Aussi, il faut ne pas être activement engagé par la Fédération de Football du Burundi. Parce que, comme il s'agit du football, être désengagé du championnat organisé par la Fédération de Football du Burundi, FFB, dans toutes les divisions. Première, deuxième, troisième ou quatrième division. Parce qu'on sait que c'est ça la structure type de compétition au niveau de la Fédération de Football du Burundi. Là, lorsque tu ne t'es pas engagé, là, tu es vraiment éligible et tu es le bienvenu pour livrer les matchs du championnat intercommunal. Les équipes qui disputent ce championnat intercommunal s'affrontent d'abord au sein de quatre régions du Burundi, dit Roland Zeimana, jusqu'à avoir des équipes qui croisent le fer au cours de la finale. Le championnat intercommunal est organisé par région et notre cher pays est subdivisé en quatre régions de rayonnement sportif. Il y a le nord qui regroupe les provinces Ngozi, Muyinga, Kirundo, Kayanza. Le centre-est qui comprend les provinces Karozi, Gitega, Chamuzo, Vigi et Mwaro. Tandis que le sud, il y a Makamba, il y a Rutana, il y a Rumonge, il y a Marosi. À l'ouest, il y a aussi cinq provinces. Bujumbura, Meri, Chitoke, Bubanza et Murangia. Voilà, grosso modo. Les 18 provinces sont réparties dans ces quatre régions. Les éliminatoires de ce championnat se font uniquement durant deux week-ends, explique-t-il. Et chaque fois, après avoir eu chaque commune qui est de la province, ils sont rencontrés sur un week-end deux demi-finales et une finale le lendemain. Et là où il y a quatre provinces, on a déjà la commune qui représente la région. Là où il y a cinq provinces, les éventuels régionales sont organisées sur deux week-ends parce qu'il y a une équipe qui reste à la maison en attente de l'équipe qui sera championne le premier week-end. Et c'est la commune qui va rencontrer l'équipe gagnante du week-end d'avant. Et là alors, on aura quatre communes qui vont se rencontrer en demi-finale et finale au niveau national. C'est ça le format de la compétition intercommunale. Dans la prochaine chronique sportive, Laurent Zeimana nous parlera des prix décernés aux équipes vainqueurs de la finale et des suggestions qui peuvent contribuer à la bonne organisation de ce championnat intercommunal. Merci Charles. Makoto et de grandes plantations de canne à sucre s'observent dans la forêt de Rukoko à Gianga, province de Bubanza, depuis bientôt 10 ans. Les habitants de la province de Bubanza disent ne pas comprendre pourquoi le sucre n'est pas produit localement dans la société Tanganyika Sugar Company. Le coordinateur des travaux dans cette société tranquillise. Il précise que le sucre sera produit à partir de 2024 après la construction de l'usine. Et en actualité internationale, en Ukraine, Zelensky limoge sa procureure générale et le chef de service secret selon la RFI. C'est un coup de tonnerre politique en Ukraine où dimanche soir, le 17 juillet, le président Volodymyr Zelensky a limogé deux principaux personnages de l'État. Tout d'abord à Ivan Bakanov, le patron de SBU et les services secrets, et la procureure générale Irina Venediktova. Tous deux des alliés politiques de longue date et de Zelensky. La RFI conclut que ces deux décisions interviennent alors que l'État ukrainien semble en train de commencer le grand ménage dans ses services de renseignement et dans l'appareil judiciaire, où l'on dénombre des dizaines, voire des centaines de cas de trahison et de collaboration avec les services russes. Et voilà, c'est par-ci que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce lundi. Mais permettez-moi de vous rappeler certains des principaux titres. La loi portant fixation du budget général de l'État 2022-2023 montre que plus de 300 milliards de francs burundais sont comptabilisés en recettes contre près de 295 milliards des prévisions des dépenses. Le porte-parole du président du Burundi met en garde les Burundais qui vendent leurs maisons et parcelles aux étrangers du fait que le code foncier au Burundi est muet à ce sujet. Et voilà, nous mettons en profil à cette édition de la mi-journée de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Andouaille pour la collaboration technique. Et Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez une bonne journée. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous écoutez. Bienvenue à cette revue de presse régionale. Donnez le sens à la décision de NUP de boycotter les élections de l'Eyala. Titre le journal New Vision de l'Ouganda. Le mouvement de résistance nationale, NRM, parti au pouvoir, a réagi à la nouvelle selon laquelle la plateforme de l'unité nationale, NUP, boycotterait les prochaines élections à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Le comité exécutif national a pris cette décision lors de sa retraite de 2 jours qui s'est terminée le samedi 16 juillet. Ce comité note que l'East African Legislative Assembly est une plateforme extrêmement importante qui devrait profiter à la nation. Malheureusement pour l'Ouganda, il a été détourné par le parti NRM au pouvoir qui décide maintenant de 9 représentants et l'utilise à des fonds de parrainage, a déclaré la plateforme dans un communiqué publié dimanche. Cela fait que cette plateforme ne compte pas présenter de candidats pour les ALA lors des prochaines élections. Dans les colonnes de New Vision, Emmanuel Dombo, le directeur des communications et des relations publiques du parti NRM, précise que c'est le Parlement qui supervise le processus électoral et que son parti participe comme n'importe quel autre parti politique. Actualité régionale. Le Kenya obtient un prêt de 17,73 milliards de shillings pour la route Nairobi-Nakuru. Mao Summit, rapporte le journal des stars du Kenya. C'est de la part de la Banque africaine de développement pour moderniser cette route. La banque a déclaré le 15 juillet dans un communiqué que son conseil d'administration avait approuvé le financement de 150 millions de dollars, équivalent à plus de 17 milliards et demi de shillings kenyans, dans le cadre d'un partenariat public-privé. La route couvrira 175 km de Liloni à Mao Summit, qui sera transformée en une route à 4 voies et 57,8 km à 2 voies de Liloni à Naivasha. Le journal The East African écrit sur les ministres du corridor nord qui envisagent une utilisation plus large du rail et des voies navigables. Le conseil des ministres du corridor nord a approuvé un budget de 5,53 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023 avec en ici les projets routiers, ferroviaires et fluviaux comme solution à la congestion. Le comité exécutif a approuvé 1,12 millions de dollars de plus qu'au cours de l'exercice précédent pour les dépenses liées aux projets ferroviaires et fluviaux. La Réunion a pris la décision alors même que le Kenya et l'Ouganda restent en désaccord sur l'achèvement de la jetée pétrolière du lac Victoria du côté ougandais. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda avaient précédemment convenu d'utiliser le lac Victoria comme point de transit clé pour le pétrole. Actualité régionale.